toi, ô Éternel, j'ai placé mon refuge. Que jamais je ne sois confondu par ta justice, viens me délivrer. Penche vers moi ton oreille, sauve-moi. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je peux me réfugier, car tu es mon roc et ma forteresse, mon appui dans la tempête et l'obscurité. Ô mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de l'oppresseur et de l'homme violent, car tu es mon espérance, Seigneur, ma confiance dès mes jeunes années. Dès le sein de ma mère, tu étais mon soutien. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre maternel. Ma bouche proclamera sans cesse ta louange, et mes joues chanteront ta fidélité. Ne m'abandonne pas au temps de la vieillesse, quand mes forces déclinent, reste près de moi, car tu es mon rocher, mon refuge, mon secours à chaque pas. Mes ennemis parlent contre moi, ils complotent ceux qui guettent ma vie. Ils disent Dieu l'a abandonné, poursuivez-le. Personne ne le délivrera. Mais toi, ô Dieu, ne t'éloigne pas. Ô mon secours, viens en hâte. Que ceux qui en veulent à mon âme soient confondus. Que l'opprobre couvre ceux qui cherchent mon mal. Moi, j'espérais toujours en toi. Et je te louerai de plus en plus. Ma bouche dira ta justice chaque jour, car tes délivrances sont sans nombre. Tu m'as enseigné dès ma jeunesse, et jusqu'à ce jour j'annonce et même jusqu'à la vieillesse, je proclamerai ta puissance aux générations. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux cieux. Tu as fait de grandes choses, qui est semblable à toi, ô Dieu. Tu me feras revivre encore, tu me tireras des profondeurs de la terre, ma bouche est pleine de ta louange. Chaque jour je te célèbre, car tu es mon espérance éternelle, mon Dieu, mon salut, mon chant.